Chapitre 3. La Commune. Dans la nuit du 9 au 10 août, à minuit, le tocsin retentit tout à coup dans les tours des différentes églises de Paris. C'était le signal de l'insurrection. Au tocsin succède le bruit des tambours. On entend à la fois battre la générale et le rappel. Le rappel au nom de l'ordre légal. La générale au nom de l'émeute. Pendant ce temps, 70 à 80 hommes, presque tous obscurs, inconnus, voués aux plus humbles professions de la cité, arrivaient à l'hôtel de ville et s'établissaient sans résistance et sans bruit dans une pièce voisine de la salle occupée par le conseil de la commune. Qu'étaient-ils? Que voulaient-ils? Ils se donnaient pour des commissaires élus par les sections de Paris et chargés de correspondre avec leurs mandataires. En réalité, ils n'avaient été choisis que par 26 sections, réduites chacune à une minorité dérisoire. Dans plusieurs quartiers, ils s'étaient élus eux-mêmes. Leur but n'était rien moins que de remplacer la commune légale par une commune insurrectionnelle et d'arriver à désorganiser les plans de défense du commandant supérieur de la garde nationale. Usant de ruse, ils commencent par agir sur les magistrats légaux et par leur dicter des arrêtés que ceux-ci, de plus en plus réduits et paralysés, signent complaisamment. C'est ainsi que les sectionnaires obtiennent l'éloignement de l'artillerie placé sur le pont Neuf, pour empêcher la jonction des faubourgs insurgés. C'est ainsi qu'ils font appeler à l'hôtel de ville le commandant en chef de la garde nationale, Manda. On sait quel fut le sort de ce loyal soldat qui était résolu à défendre jusqu'à la mort le poste confié à son honneur. Croyant obéir à un appel régulier, il quitte avec regret les Tuileries et se rend à l'hôtel de ville. Saisi par les séides des sectionnaires, il est conduit devant le président de la commune insurrectionnelle, Huguenin, qui présente à sa signature l'ordre de faire retirer la moitié des troupes du château. Avec un héroïsme auquel l'histoire n'a pu rendre qu'un hommage tardif, Manda refuse de forfaire à son devoir. Huguenin, d'un geste significatif, ordonne qu'il soit conduit à l'abbaye. C'était un arrêt de mort. Un coup de feu abat sur les degrés de l'hôtel de ville le vaillant officier, dont le cadavre percé de 1000 coups est jeté à la Seine. Tel fut le premier exploit de cette commune de Paris, qui, après avoir épouvanté le monde par l'excès de ses fureurs et de ses crimes, devait rendre le dernier soupir dans le sang de Thermidor.